De d'Alexandre Jardin, qu'on n'a pas pu avoir à l'émission. Et après ça, c'est vraiment, ça va être le retour à nos émissions régulières. On va faire une petite pause musicale et je vais tout de suite m'entretenir avec Elisabeth Van Arbourg qui est déjà avec moi. I've been in search of stones, making up the pavement of less traveled roads, mining for treasure, deep in my bones that I'd ever found. When looking forever and tried to find it in a bottle and came back again, high on a hash pipe of good intent, but it only brought me down. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Je suis avec Elisabeth Van Arbourg. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Ça fait une couple d'années qu'on ne s'est pas vu. Oh, pas mal de couples d'années en fait, plusieurs couples d'années. Oui, hein? Là, tu nous livres après, on s'est vu, je pense, au deuxième de la Reine de mémoire. Oui. Et là, tu arrives avec un one-shot, c'est-tu oui, beau français, Hôtel Olympia. Oui, toujours chez À lire, mm-hmm. qui est une grosse brique. C'est la seule grosse brique qu'il lit. C'est pas vraiment une grosse brique. C'est juste qu'il a été écrit gros. Il y a seulement 596 pages. Oui, mais ça se lit de toute manière. J'y arrive. Oui. Ça se lit toute seule. C'est le seul gros livre que j'ai accepté pour l'émission. Hein. Oh, c'est gentil. Jusqu'à 300 pages, c'est un critère pour avoir une entrevue. Okay, mais là, je ne pouvais pas passer à côté. Tu descends tellement peu de chez Goudimi. Et écoute, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Moi, je ne suis même pas capable de faire un résumé qui se tient. C'est une femme, Danica, en plus, elle change de nom à peu près cinq fois. Souvent, il y a des déclinaisons de son ouais, nom c'est qui ça. Se souvent, promène. Souvent, mes personnages se donnent des noms. Ils se renomment. C'est une façon de prendre possession de sa vie. Oui, exact. Je comprends très bien. Danica, qui a 68 ans, 58 ans, mm-hmm. qui vit à Montréal avec son amoureux. Et son père, qu'elle n'a pas vu depuis une quarantaine d'années, va la contacter pour dire « Ta mère a disparu. Les parents sont bel et bien séparés. » La mère est propriétaire d'une chaîne d'hôtels. Il faut que tu y ailles à l'hôtel parce que c'est toi l'héritière. Il faut s'en occuper. Mm-hmm. Et là, elle va arriver et elle va retrouver son monde de rêve. Et oui. Il faut qu'elle traverse un boulevard. Oui. Ça, c'est très frappant, c'est très fort. J'avais l'impression d'être dans un Robertson Davis, tu sais, quand il fait ses déclinaisons oui, de Jung oui, dans oui. ses romans. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme presque tous mes romans, ce roman-là vient d'un rêve. Mm-hmm. Et la partie essentielle du rêve que j'ai fait il y a au moins 25 ans, mais qui a continué à rester dans mes... Mm-hmm. C'est ce boulevard. Ouais. C'est l'image du boulevard qu'on a au début, c'est ça. Ouais. Okay. C'est uniquement ça et tout le reste a découlé de ça, plus évidemment en 20 ans il y a des choses qui se sont greffées et en particulier toute l'idée de cet univers qui coexiste avec le nôtre et qui est celui des idées qui flottent dans l'air. Tu sais, quand on ouais. dit ça flotte dans l'air, là, ce qu'on ouais. appelle aujourd'hui les mèmes, ouais. hein, M-E-M-E-S, oui. Ou M accent grave, M-E-S, ouais. qui sont ces idées dont on ne sait pas d'où elles viennent, mm-hmm. mais qui nous transforment, quelquefois pour le mieux, quelquefois pour le pire, qui peuvent transformer des sociétés entières, l'histoire ouais. entière de nations. Et ça m'intéressait d'imaginer que ces archétypes soient incarnés. Oui. Soit incarnés d'une façon différente de la nôtre, avec des capacités un peu différentes de nous, mais surtout qu'ils vivent dans un univers qui est adjacent au nôtre, mais qui est en communication constante avec le nôtre et qui est en résonance. Et c'était ça l'important. Parce que ce qui me frappe dans les histoires, et les mêmes, mais les histoires, ouais. parce que je suis écrivaine, c'est la façon dont les histoires nous transforment et dont nous les transformons. Oui, parce nous que ça se nourrit mutuellement. Voilà, c'est ça. Elles se nourrissent mutuellement. C'est ça ce qui se passe là-dedans, parce qu'en même temps, évidemment, c'est une histoire des mythes grecs. Tu fais un retour sur la mythologie. Oui, mais en fait, la mythologie est une des formes des mêmes. C'est un des récits de base. C'est les récits de base de notre enfance et de l'enfance ouais. de nos cultures. Mais ce n'est qu'une forme. Et il y a eu des mythes bien avant la mythologie grecque. Oui, et c'est aussi fait. De ça que je parle. C'est-à-dire que les mythes sont constamment en transformation. Il n'y en a pas des nouveaux, je pense, mm-hmm. mais ils se transforment constamment. Et ça m'avait amusé d'imaginer quelle forme de personnage pourrait être des aujourd'hui. Mythes incarnés aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça n'est pas nouveau, hein. Je n'ai pas inventé ça. Il y a eu Jean Rey, oui. entre autres, oui. l'auteur Jean Rey. Il y a eu aussi Robert Holstock. Mm-hmm. Oui. Mais c'est complètement autre chose, comme je dis toujours. Non, oui, non, ça a toi, déjà été fait, même, mais pas par moi. Oui, et là, c'est quand même unique. Là. C'est ta manière de les oui, voir. Oui, c'est ça. Et ils sont là dans l'hôtel, en partie comme... Oui. Je les voyais quasiment comme une gang de tricoteuses, les grands-mères et les grands-tantes. Et c'est, je trouvais ça assez merveilleux de les voir Ce là. Ce qui est, c'est que Danica fait... Danica, bon, elle est partie, elle a des souvenirs extrêmement flous de son enfance, elle est quand même partie à 12 ans. Et elle, elle fait des rêves. D'école. Elle a fait des rêves récurrents ouais. toute sa vie de l'hôtel, mais un hôtel dont elle pense que ces rêves-là, c'est des rêves, quoi, des ouais. trucs imaginés. Oui, oui, ça oui, ça oui. se peut pas, des oui. affaires de même. Oui. Alors moi qui suis une rêveuse, tu penses bien que j'avais une leçon à lui donner. Et quand elle rentre à l'hôtel, elle se rend compte que ses rêves ont une base, un oui, fondement. Ça existe. Et qu'il ouais. y a, déjà sur le boulevard. Hein. Oui, déjà elle, sur le boulevard, sur le boulevard elle a un choc. Elle fait... Oui, oui, elle a déjà okay. un boulevard. En traversant ce boulevard, a un nom particulier. Il s'appelle le boulevard L'été. Mm-hmm. Mais c'est le L'été, le oui. boulevard où on perd on la mémoire et où on passe. On rentre dans un autre On rentre univers. Dans un autre monde et on peut exact. Revenir. C'est un mythe, ça, c'est ça, un mythe c'est, grec. Ça, c'est très chouette hein, dans le livre parce qu'on s'en rend pas compte. On rentre dans cet hôtel-là et mm. on ne le sait pas qu'on a déjà On a coupé. Déjà franchi la frontière. Parce que je me sentais encore dans le maintenant, mm-hmm. dans le début du livre, je te dirais, dans les 50 premières pages. Et du coup, ça a fait « Oups, je ne suis plus là ». Qu'est-ce oui, qui oui. se passe? Ah oui, ça marche. Oui, ça fonctionne, marche, c'est yes. ça ce que tu voulais. Content. Ah oui, parce que le début est férocement réaliste. Enfin, ah oui. De toute ah, façon, oui. c'est un roman un petit peu inhabituel pour moi, parce qu'il est contemporain d'abord. Oui. Hein, c'est pas de la science-fiction dans le futur lointain, ni dans le passé parallèle. C'est férocement réaliste. Enfin, c'est Roissy tel que je peux... Mais il y a quand même, c'est quand même, il y a un côté science-fiction. Oui, il y a, ah, oui. Il y a les primes, il y a... Oui, il y a des créatures. Sur, donc, oui, de, mais, on ne sait pas hein? si c'est... Moi, j'appelle ça mon roman évier de cuisine. C'est mon roman fusion, disons, okay. plus élégamment, où il oui. y a de la science-fiction, il y a du urbaine. Fantastique. Oui, il y a du fantastique urbain, il y a de la psychologie, il y a une amorce de policier, il y a du oui. policier, il y a d'intrigue, il oui, oui, oui. y a du meurtre, mystère, il hein. y a du suspense. Oui, il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles, ouais. avec la petite oui, Lila aussi. Oui, parce que aussi. Le décor est très... Le décor est très muable, il se transforme facilement, oui. Il change, les gens changent, il y a une petite fille là-dedans qui grandit de façon bizarroïde, ce que peut-être mes lecteurs et familiers de Von Harbour reconnaîtront peut-être, mais il y a, c'est du Von Harbour, bon, je peux oui, jamais, exact. J'écris tout le temps la tu même chose. Tu échappes pas à toi-même. Ah, hein? Non, on radote, mais... Ah, oh, mais tu radotes, c'est quand même, on dit pas, ah oh, non, pas elle encore. Ah bon, ben alors ça vient, c'est ça. Parce que évidemment, moi je le vois de mon côté, je me dis, ah oh, non, pas encore. Oui, non. Je reconnais des thèmes, mais je te dirais quand même, c'est quand même très différent. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai pensé et, aussi que c'était différent. Et il y a aussi, il faut qu'on s'en parle, la langue. Parce que tu t'amuses. Là, je reconnais une littérature d'immigrantes. Là, on va se parler ah oui, entre on va deux se, immigrants. On va se coller entre hein? on va se parler parce que, bon, t'es francophone, t'es souvent pas perçue comme une immigrante, t'es perçue comme québécoise. Écoute, ça fait quand même 40 ans et exact. 8 mois que je suis ah, là. Ah, ici, les Québécois sont tellement gentils. Après oui. 5 ans, on est québécois. Oui, mais non, il reste que t'as quand même... T'as quand même deux niveaux de langue. Il y a vraiment... Et tu le tiens tout le livre. Il y a les Québécois, il y a les Français, et on le sent la différence. Ton ah, Québécois suis, est merveilleux. Je me suis beaucoup amusée parce que... Je me suis défrustrée, en fait, parce que quand je fais de la traduction, je traduis de la fantasy ou de la science-fiction, mm-hmm. j'ai pas le droit d'utiliser des québécismes. Et c'est très frustrant quelquefois parce qu'il y a des choses... Il y a des vocabulaires ou des expressions québécoises qui correspondent exactement à ce que veut dire l'anglais, mais j'ai pas le droit. Alors là, mon personnage vit depuis 20 ans à Montréal. Et alors, elle arrive en France et elle utilise des expressions québécoises et les Français font « Et elle est obligée de traduire. Et là, c'était le pied. Je m'amusais. Oui. Penses-tu que ça va faire l'éducation des Français? Penses-tu? Ils sont pas éducables, ces limites-là. Oh, franchement. Pas chez eux. Pas chez eux. Non, non, ils sont éducables quand ils viennent ici, la preuve. Mais quand, chez eux, non, pas vraiment. Il y a un des thèmes là-dedans, c'est le passé qu'on laisse derrière. Est-ce qu'on laisse vraiment... Est-ce qu'on est capable de laisser son passé derrière? Ça aussi, c'est un sujet migrant aussi, d'une certaine manière. Oui, ben non. De toute évidence, on ne le laisse pas derrière, puisque nos histoires se transfèrent, se transposent et se transmettent d'une génération à l'autre, d'un continent à l'autre, d'une époque à l'autre. Le passé est constamment en train de se transformer. Le passé n'est jamais vraiment arrêté. Nous l'interprétons, nous le réinterprétons, nous en occultons des morceaux, nous en redécouvrons des morceaux. Mm-hmm. Et le passé personnel, c'est la même chose. Mon expérience personnelle de la chose, puisque de toute façon on n'écrit qu'avec soi, c'est que moi aussi j'avais un passé, j'avais des histoires familiales mm-hmm. que je croyais être vraies. Ouais. Et j'ai découvert qu'elles ne l'étaient pas et que c'était des histoires que se racontaient et que me racontaient mes parents. Et je ne peux pas savoir lesquelles étaient vraies. Et, ou pas, puisqu'ils sont morts, maintenant, il n'y a plus moyen. Alors, je peux en vérifier quelques-unes avec certains membres de ma famille, mais pas vraiment. Et donc, l'expérience de... OK, nous sommes les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes. Oui. Nos légendes personnelles. Et donc, nous pouvons manipuler notre vie même. Nous pouvons nous refaire un passé. Ouais. Donc, on n'est pas forcément victime de son passé. Et il existe, on ne peut pas s'en détacher, mais on n'en est pas forcément victime. Et je dirais même, moi, je l'ai senti un peu comme ça, le passé devient tremplin vers l'avenir, bien d'une certaine manière. Écoute, moi, ce qui m'a toujours tué au Québec, c'est que la devise du pays, c'est « je me souviens », et que la mémoire s'en rappelle. Et que la mémoire de ce pays semble tellement pleine de trous, et tellement de courte durée. Ouais. Alors, c'est ça. Moi, si on ne se souvient pas du passé, il n'y a pas moyen d'imaginer l'avenir, et de vivre au présent. Bon, le temps est un tout. Oui, exactement. Il reste très peu de temps. As-tu d'autres projets déjà? Je te connais peu hyperactive. Non, je ne suis pas hyperactive, mais là, j'ai la chance. C'est long à écrire, ça fait qu'on comprend que ça prend des années. Non, pas vraiment, 3 mois. Un roman de 600 pages, je me prends 3 mois quand il est préparé. Je suis en train de préparer une trilogie qui se passe dans le même univers que Reine de mémoire, mais 500 ans avant, ce qui fait que pratiquement tout est différent. Alors c'est une grande histoire d'amour, de cap et d'épée, de frères ennemis, de vengeance, de oh là là, avec plusieurs personnages point de vue. Ça va être le. Ça fait que le prochain salon ou celui de 2016, on va se rencontrer. Non, on va pas 2016. Et 2015. J'espère bien 2015. Salon de Québec au moins 2015, il devrait au moins avoir le premier volume. Ah ben, on va se retrouver. Je suis en train de me fixer des dates. Horreur. Horreur. Une chance que ton éditeur t'a pas entendu. Oui, ben. Je te remercie. C'est moi qui Elisabeth Van Arbour, Hôtel Olympia chez Alire. Tu signes encore aujourd'hui? Oui, je vais signer là, à midi et demi. Ça fait qu'on peut aller te voir là. Stand 74. En tout cas, on voit Alire, le monde de l'imaginaire en haut. On va vous trouver. Merci. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the waffens go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle, toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump up. Your hand grips at that, my heart is shining up. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord, toujours en direct du Salon du Livre. On est devant l'entrée, plein de gens qui fuient le mauvais temps, qui viennent voir les livres. Moi, je suis accompagnée de Olga Duhamel-Noyer. C'est la première fois qu'on se rencontre. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Bienvenue à l'émission. Et c'est ma première rencontre avec vos livres, parce que c'est quand même... Laurent du Cosmonaute, c'est un troisième roman. Oui, exactement. Ce roman raconte l'histoire de Yuri qui revient dans le village de son enfance où il a vécu avec son père, où son père est décédé. Oui. Il va vivre là, il va écrire un livre à cette place-là. C'est un universitaire et il va se rappeler. Il va se rappeler ce qu'il a porté. C'est un astrophysicien ou... Il est anthropologue. Il est anthropologue. Et, mais il est passionné par l'espace. Oui, effectivement. Et dès le début, j'imagine, parce que quand on s'appelle Yuri, je suppose qu'on parle bien de Yuri Gagarin. Quand j'entends Yuri et cosmonaute, on est dans l'univers russe. Exactement. Ben, évidemment, je dis évidemment, mais ce n'est pas une évidence, mais il n'est pas du tout russe, sauf qu'il a été nommé comme ça. Sa mère lui a donné ce prénom parce qu'elle aimait beaucoup Yuri Gagarin, parce que Yuri Gagarin a frappé les imaginations de ce temps-là, à faire un premier tour dans l'espace, une première rotation autour de la Terre. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Yuri, donc, comme je m'appelle Olga et que je ne suis pas russe du tout non plus. Mais la mère est absente de ce récit-là? Oui, parce que la mère est morte. La mère est morte brusquement. Et c'est à ce moment-là que Yuri va vivre avec son père, parce que les parents étaient séparés depuis toujours, plus ou moins. Et donc, Yuri a vécu là un an pas à Laurier Station, c'est à Bernard Station. Non, parce qu'en venant ici, j'ai vu Laurier Station. Vous êtes passé par Laurier Station. Exactement, mais donc à Bernard Station. Mm-hmm. Et puis, il revient donc dans ce village qui n'est pas tout à fait de son enfance, mais où il avait vécu jeune. Oui. Donc jeune adolescent. C'est ça, exactement. Et lui, il s'est fait des amis qui n'étaient vraiment pas dans le cœur du père. Hein? C'est... Parce qu'il y a ça aussi, lui, il y a des liens encore dans le village. Oui. Il est conscient que son père n'aimait pas ces gens-là. Oui. Et il va avoir des souvenirs de la mort du père. Oui. Et là, je trouve que... Bon, moi, j'ai lu très vite beaucoup de livres. Oui, oui. Et il y a comme un sujet qui revient. La mort des parents, oui. Ça revient beaucoup. Mais il y a très peu de pères qui meurent. Vous êtes la première. En tout cas, dans les 30 livres que j'ai lus... Pour vous, cette mort du père, quel rôle que ça prend? Vous me demandez si c'est un souhait ou une inquiétude? Pour vous, c'est quoi? Non, mais je plaisante, mais ce qui se passe là, bon, en même temps, je veux pas raconter nécessairement le livre, mais je vais le faire quand même, mais c'est que le père meurt, puis Yuri, il n'a pas de peine du tout. Ouais. Il n'aime pas cet homme-là. Ben, il le voit mourir, hein? Il le voit mourir. C'est ça. Et puis... Il est très détaché. Il est très détaché. Il n'est pas cruel du tout avec son père. Ce n'est pas qu'il est d'une cruauté, mais il est d'une froideur extrême. Ouais. Et puis, donc, à partir de là, le père est mort. On comprend à la fin du livre pourquoi, mais le livre, ce n'est pas sur la perte du père. Le père, il est mort, puis voilà. Puis, ce n'était pas une si mauvaise chose. Enfin, c'était pas un drame, disons. Le drame, c'est la mort de sa mère. Exact. Et qu'il porte à travers ça... Je vous repose la même question que je viens de poser à Mme von Lambourg. Oui. Est-ce qu'on peut laisser le passé derrière soi? Mais le passé, il vit avec nous, je crois. Il remonte sans arrêt. Il se mélange avec le présent. Le présent, ça dure une seconde, puis on est déjà dans un devenir constant. Alors, le présent, c'est même pas le même qu'il y a deux minutes, quoi. C'est quelque chose qui passe sans arrêt, mais l'espèce humaine, je suis pas sûre que ça soit que l'espèce humaine, d'ailleurs, mais dans l'espèce humaine, on vit avec tous ces temps, à la fois le désir de l'avenir, puis à la fois ce qui s'est effectivement passé. Et Yuri, il y a cette passion pour les astres qui pourquoi les étoiles? Parce que ça veut dire qu'il y a des étoiles pour vous aussi. Oui, ben je pense que Yuri, c'est un enfant d'une époque où on a vraiment rêvé d'aller sur l'espace. Les années 70, c'est les années après la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. Plus de 50 millions de morts, une brutalité sans nom, puis on a envie d'entrer dans la modernité dans les années 70, puis de plus être dans l'extermination, de plus être dans ce temps ancien, puis on a l'impression que le progrès technique va nous précipiter vers quelque chose de beaucoup plus pacifique, beaucoup plus beau, beaucoup plus apaisé. Et Yuri, ce qui frappe des gens comme Yuri ou d'autres, c'est qu'en même temps, dans ce paradoxe-là de vouloir fuir un passé très noir, c'est que les gens qui ont inventé la fusée étaient des ingénieurs nazis. Mm-hmm. Et qui ont été récupérés par les Américains ou par les Soviétiques à l'époque. Ouais. Et donc, comme Yuri Gagarin, il est allé à bord d'une fusée qui avait été en partie développée, tout comme ça. Donc, par les stalinistes. Mais par les nazis aussi juste avant. Alors, un grand paradoxe. Mais Yuri, il le découvre beaucoup plus tard. Ça. Puis, il est porté par l'avenir qui est promis là-dedans. Mais il se rend compte, les années passent, puis l'avenir n'est pas tant que ça arrivé. Et puis, finalement, on va très peu sur Mars. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, non, on n'y va même pas du tout. Hein. On reste très collés. Mais j'ai trouvé ça quand même beau qu'il le rêve. Oui, il ne peut pas s'empêcher de rêver. Alors, c'est pour ça que ce qui arrive, le père qui meurt et tout ça, ça ne peut pas obturer ses rêves. Il continue. Bon, le père est mort, il n'était pas très gentil en plus. Puis, ma foi, la vie continue. Mais la vie continue... Comment? Pour un être humain avec peu de temps, quoi, parce qu'on a peu de temps, malgré tout. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et, bon, moi, je regarde un peu mes questions. Je vous en prie. Est-ce qu'il faut aller au bout de ses rêves d'adolescent? Ou est-ce que des rêves d'adolescent deviennent adultes un jour? En tout cas, c'est un peu dans cette lignée-là. Je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse... L'adolescence, c'est quelque chose qui me passionne parce que c'est le temps des rêves, c'est le temps de la ferveur. Et puis, je pense que la vie est belle quand on reste accompagné de cette ferveur-là toujours. Puis Yuri, il a beau être, je dirais pas malheureux, mais la vie a beau être pas toujours facile, etc. Il est porté par ses rêves encore, puis par les rêves de l'espace, puis le monde est grand pour lui, est très très grand et très beau. Ça fait que finalement les rêves sont très idéalement ne deviennent pas adultes. On les porte adultes, ces rêves d'adolescents. Il faut surtout pas les oublier, enfin, on est mort quand on les a oubliés, on est mort. Votre rêve à vous, c'est quoi? Ben, c'est des rêves un peu comme Yuri, enfin moi c'est pas la planète Mars, mais c'est des choses comme ça qui arriveront sans doute pas, mais qui me font rêver. Votre prochain projet, c'est quoi? Ah, c'est quelque chose, bon, parce que ce livre se passe beaucoup dans la forêt boréale, ouais. Il fait froid, c'est l'hiver tout le temps comme aujourd'hui. Ça c'est très chouette hein, que c'est l'hiver, parce que c'est rare dans la littérature québécoise qu'il fait froid. En tout cas, c'est une observation d'immigrante. Mais il fait très froid dans ce monde-là. Mais le prochain livre sur lequel j'ai commencé un peu à travailler se passe où il fait très, très chaud sur la côte, dans le sud, etc. Je vous remercie, Olga Duhamel-Noyer. Laurent du Cosmonaute chez Héliotrope, est-ce que vous signez aujourd'hui? Aujourd'hui, non, j'ai signé hier. Parfait. Fait qu'on ne peut plus vous rencontrer, mais on peut acheter vos livres. Ah, ben, c'est toujours sûr. Ça. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord en direct du Salon du Livre avec Barbe Rank, toujours sur les ondes de CKRL. Je suis accompagnée de Geneviève Janel. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Plein de toi. Quand j'ai planifié les émissions, je me suis dit, ah oui, j'avais reçu un petit texte sur le livre. Je me suis dit, ah, un peu de chick-lit, ça va être sympathique, mais ça n'en est pas. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que, oui, la table est mise comme pour une chiclette, on s'entend, là. Mais c'est sûr que c'est traité avec humour, avec un certain cynisme qui peut rappeler le ton de la chiclette. Il y a un côté amusant, mais le sujet est loin d'être léger. Non, c'est ça. Hein? C'est Estelle qui perd son amoureux et qui a vraiment une très grande peine parce qu'elle était l'aimée, mais elle n'aimait pas tant que ça, d'une certaine manière. Et là, elle fait le deuil de l'amour qu'elle n'a pas donné. En fait, elle l'aimait énormément, mais... Elle le montrait pas. Non, elle le montrait pas tellement parce que pour elle, c'était menaçant de se laisser aimer quelqu'un. Ouais. Il y avait beaucoup de danger dans tout ça, de se faire mal. Et elle préférait être l'aimée dans tous ses couples, dans la vie. Et aussi dans ses amitiés. Oui, c'est toujours la fille qui se laisse aimer puis qui donne un peu moins en retour. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ce livre-là? Parce que j'ai pas l'impression que c'est autobiographique, même non, si je vous vois arriver avec une grosse bénaine, mais finalement, Estelle l'a pas. Fait que, mais de toute façon, le livre a été terminé avant que la bénaine commence à pousser. Ce qui m'a inspirée, c'est drôle parce que c'est un livre qui traînait dans mes tiroirs depuis longtemps. C'est mon troisième roman et c'est pourtant le premier que j'ai écrit. Okay. Par contre, ça avait absolument rien à voir avec le produit que vous avez entre les mains en ce moment. C'était un livre que j'ai écrit au début de la vingtaine, que j'ai laissé de côté et que j'ai relu pour le plaisir des années plus tard. Ouais. Et j'ai encore aimé l'histoire, mais j'ai évidemment tout réécrit parce qu'on change dans notre écriture, évidemment. Ouais. Ça me plaisait moins de la façon que c'était écrit, fait qu'il n'y a plus rien en commun avec la première version. Mais cette histoire-là d'une fille qui est complètement dans un couple idéal et qui perd tout du jour au lendemain, qui se retrouve enceinte d'un amoureux décédé après un accident, je pense que c'est la... J'ai une vie heureuse, puis la peur de tout perdre, c'est quelque chose qui m'habite quand tout va bien, justement. Ça, c'est intéressant parce que c'est un sentiment que je comprends bien, cette peur de tout perdre quand on se dit « Ah, ça allait trop bien! » Ça va trop bien, il y a quelque chose qui va se passer. On dirait que ça ne peut pas aller bien demain. Exactement. Les personnages que vous avez créés, là, il était déjà dans la première version? Estelle a toujours été Estelle depuis la première version. Mm-hmm. Christophe aussi. Simone est arrivée plus sur le tard. J'avais envie de créer ce trio-là. Je pense que c'est un réflexe aussi chez moi. Dans tous mes romans, il y a des triangles. Je me rends compte que inconsciemment, Mais là, c'est plus un carré, hein? On s'entend parce qu'Antoine est toujours là. Il est toujours présent, mais on perd un des pôles du carré qui devient un peu un triangle brisé, finalement. Oui, c'est ça. Bon, la cinquième émission, il faut que je regarde plus. C'est l'amour qui est au centre de la vie d'Estelle, et là, elle va plus axer vers l'amitié. Qu'est-ce qui est plus important, d'une certaine manière? J'ai l'impression que c'est beaucoup l'amour qui est au cœur de ce roman-là. C'est, c'est une grande, grande peine d'amour, ce roman-là. Ouais. Puis ce qu'elle essaie tout au long du roman, c'est de recréer l'amour qu'elle a perdu. Mm-hmm. Oui, à l'aide de ses amitiés, les gens qui l'entourent vont l'épauler là-dedans, mais le cœur de sa quête, c'est vraiment de retrouver cet amour-là. Et elle va le chercher dans les bras de son meilleur ami, dans les bras d'autres hommes. Ouais. C'est vraiment le cœur de ce deuil-là. C'est plus l'amour. Cette relation avec Christophe, il y a un flou là-dessus. Hein? Parce qu'on ne sait pas si elle est amoureuse ou... Mais encore une fois, c'est toute sa dynamique d'aimer versus aimante parce qu'elle se retrouve à avoir besoin des autres parce qu'elle est en deuil et Christophe est à ses côtés à ce moment-là. Il l'épaule et elle profite un peu de lui. Et d'ailleurs, c'est ce que Simone lui reproche à un certain moment, d'abuser du fait que Christophe l'aime. Ouais. Lui, c'est de l'amour. Puis elle prend On ne sait pas. Hein? On ne le sait pas. Elle a des sentiments pour lui. Il est important pour elle, mais on sent qu'elle prend ce qu'elle a besoin dans cette relation-là et elle donne pas beaucoup en retour. Est-ce que, moi, j'ai pas lu les deux autres livres que vous avez écrits. Est-ce que c'est votre genre d'écrire comme ça ou les deux autres étaient un peu plus... Je pense que j'écris toujours des histoires d'amour un peu tordues. Ça, je me suis rendu compte que même si les trois romans sont très différents, il y a toujours une histoire d'amour tordue au cœur de tout ça. Et le triangle revient souvent aussi dans la dynamique. Mais La Juche et Odorama, mes deux premiers romans, c'était des romans écrits à la troisième personne avec un narrateur omniscient. Parce que là, on est dans la tête d'Estelle. On est dans la tête d'Estelle. Alors, ça change complètement la dynamique parce que j'avais une écriture beaucoup plus descriptive mm-hmm. quand j'étais dans le narrateur omniscient. Ouais. Et là, c'est, évidemment, quand on est au jeu, on ne va pas se mettre à décrire l'environnement puis ce qu'on peut voir de la même façon. Et ça permet une incursion un peu plus profonde dans, mm-hmm. dans le, les pensées, les émotions du personnage. Alors, je trouve qu'il est un peu différent des deux premiers pour ça. Mais c'est sûr que j'ai mes réflexes puis mes tics d'écriture qui... Je pense que mon écriture se ressemble d'un roman à l'autre. Est-ce qu'il y a... malgré un grand projet qui est en route pour vous, qui est la maternité, est-ce qu'il y a un prochain projet d'écriture déjà en route? J'ai un recueil de nouvelles qui est en route. Ah, mais... ça c'est... moi, je suis une grande... j'adore les nouvelles, vraiment. J'aime beaucoup la nouvelle aussi. Ben, je viens du prix. J'ai gagné le prix de la nouvelle il y a quelques années et je considère que je viens de la nouvelle. Puis dans mon écriture, ça influence beaucoup ma façon d'écrire. J'écris un peu avec des chutes à la fin. C'est comme des grandes nouvelles, mes romans, finalement. Et ça me tentait de retourner vers la nouvelle. J'ai commencé, je dirais qu'il était à moitié du travail, peut-être. J'ai commencé un recueil, justement, qui s'intitule « Triangle » avec un S. Parce que le triangle, pas juste amoureux, toute la relation triangulaire m'intéresse beaucoup. Alors, ça va tourner autour de ça. Et vous en allez vers un triangle amoureux avec familial. Un bébé. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. La maternité, c'est une très belle aventure. Merci. Et on a très hâte au prochain. Merci Geneviève Janel pour Plein de toi chez VLB. Est-ce que vous signez aujourd'hui? Oui, de 2h30 à 3h30. Fait qu'on peut vous rencontrer chez VLB. Merci beaucoup. Merci beaucoup. CKRL 89.1. Québec. Le Radioton de CKRL fut couronné de succès grâce à votre dévouement et à la collaboration de nos partenaires de premier plan. La Caisse de Limoilou, Télé-Québec, la Mesure Première Ovation et la Caisse d'économie solidaire des Jardins. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. Tous les lundis 9h, des aînés et des droits. À chaque semaine, des reportages provenant des quatre coins du pays sont présentés sur la thématique de la maltraitance envers les aînés, un phénomène beaucoup plus répandu qu'on pourrait le croire. Des aînés et des droits est présenté par le programme Nouveaux horizons pour les aînés du gouvernement du Canada. Dès 9h en semaine, CKRL vous offre un choix d'émissions à caractère socioculturel. Le lundi, Des aînés et des droits vous expose des reportages provenant des quatre coins du pays sur la thématique de la maltraitance envers les aînés. Le mardi, c'est Les idées métisses, un magazine inspirant l'action et l'innovation communautaire, animé par Aida Fernandez-Pena et Vincent Deslauriers. Écoutez CKRL tous les jours dès 9h, une façon divertissante d'apprivoiser un peu plus notre monde. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. L'émission Les bouquins d'abord vous est présentée en direct du Centre des congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord, toujours en direct du Salon du livre sur les ondes de CKRL. Je suis accompagnée de Catherine Lepage. Bonjour Catherine. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Votre livre s'appelle « Fine tranche d'angoisse ». Ce n'est pas un roman. C'est quoi? C'est un livre graphique. Oui, hein, c'est parce que c'est pas une BD non plus, on suit pas une histoire. Non, c'est on suit un peu un fil quand même. Ouais. En tout cas, moi je voulais qu'il y ait un fil ou une suite logique du moins, que ça soit articulé avec un début et une fin. Oui, ça oui. Oui. Mais vous racontez des angoisses pour vrai. C'est, je pense, c'est la chose la plus drôle que j'ai lue et je m'attendais pas à ça sur l'angoisse. D'où ça vous vient, ce sujet-là? Parce que je pense que c'est un deuxième. Hein? Vous avez déjà parlé de dépression aussi dans un autre livre. Oui, c'est ça. Le premier livre s'appelait « 12 mois sans intérêt ». Je l'ai fait suite à une dépression par besoin de transformer une expérience négative en quelque chose de positif ou d'essayer de trouver, d'en ressortir quelque chose de plus riche finalement. Et suite à ce premier livre-là, j'ai constaté que ça avait touché beaucoup de personnes, que les gens se reconnaissaient, ce qui m'a quand même surpris parce que c'est très personnel. Puis ça fait du bien et c'est très surprenant de voir que finalement c'est commun à plein d'autres. Puis suite à ça, bon, mais j'ai continué à avoir des idées un peu sur ce thème-là. J'ai commencé à consigner ça, puis à faire des esquisses, puis accumuler ça, puis finalement pour finir par avoir un deuxième livre. Est-ce que c'est vos dessins sont vraiment des fois là, je trouve que c'est tellement bien trouvé. Vous nourrissez de tout ce que vous voyez autour de vous. Ah ben, c'est une déformation professionnelle. Faut dire que vous avez une formation à la base, je suis graphiste. Ok. Je suis graphiste. J'ai travaillé en pub, en design graphique, mais chez Cossette en fait à Québec pendant plusieurs années. Puis il y a une culture de l'idée. De communiquer simplement une idée, le plus simplement possible, le plus punch. Et moi, j'essaye aussi que ça soit esthétique et agréable à l'œil. Et il y a un petit côté que je trouve très contemporain, un petit côté trashy, mais pas trop. C'est justement agréable à voir. Si je vous demanderais de faire quelque chose sur le bonheur, ça serait-tu aussi drôle? Peut-être que ça serait... J'aurais envie de dire que ça serait plus convenu. Peut-être que c'est plus surprenant de traiter d'angoisse. Puis pour moi, c'est un sujet aussi que je trouve qui n'est pas exploité. La dépression, l'angoisse, puis toutes les zones plus sombres, les gens, ça reste encore un peu tabou, je sais pas. C'est peut-être moins de gens qui ont envie de partager ça. Fait que pour moi, les romans, on en voit quand même. Oui, c'est vrai. Oui, mais effectivement, dans le graphique, on le voit très peu. Je trouvais que c'était une zone facile à exploiter, finalement, pour moi. Puis j'aime mettre en image des choses abstraites, des choses délicates. Puis on dirait que pour revenir au bonheur, je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas si j'aurais autant de nuances à aller chercher. Mais peut-être que oui. Je suis contente d'entendre que vous voyez là une avenue. Oui, je serais capable parce que je sais aussi c'est quoi le bonheur. Je sais pas, je sais quoi l'angoisse. Des projets à venir, est-ce qu'il y en a déjà? J'ai toujours plusieurs projets en même temps. Par contre, sur ce thème-là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. C'est ça. Je pense que j'ai dit là. J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Puis j'ai envie d'autre chose. C'est quoi vos envies? J'ai déjà fait des livres pour enfants aussi. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de me replonger dans un livre pour enfants. J'ai des projets qui sont plus proches de la BD un petit peu. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, on aime ça. Ça reste un défi pour moi faire quelque chose dans mon style, de respecter mon style, mais d'aller un petit peu plus vers la BD. C'est quelque chose qui m'attire. Oui, mais ça existe. Hein? Dans votre style, j'en ai vu. Oui. Je pense que j'aimerais beaucoup voir ça. Très franchement, là, ça nous ferait... Suivre. Oui, ça nous ferait plaisir. Je vous remercie, Catherine Lepage. Fine tranche d'angoisse, vous signez encore aujourd'hui? Je suis là tout à, ben, juste dans quelques minutes, de 13h jusqu'à 15h. C'est au stand de Somme Toute. Vous êtes chez Flammarion ou chez Dimédia? C'est Dimédia. Chez Dimédia. C'est Dimédia. Et c'est vraiment dans la grande allée quand on c'est rentre dans la grande allée. À droite. Vous pouvez venir rencontrer mes saucissons qui vous attendent. Et la dépression. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup. À l'émission Les bouquins d'abord, je suis maintenant accompagnée de François Lévesque. Salut. Bonjour. François. Salut. C'est pas la première entrevue qu'on fait ensemble. Il y a juste un livre où on s'est pas rencontrés. Je t'ai avoué que je l'ai pas lu. Fait que je pouvais pas. Oui. Une maison de fumée, c'est un, je dirais pour la première fois, un vrai polar entre guillemets, parce qu'il n'y a pas le flirt avec le fantastique qu'on te connaît des autres. C'est un roman policier classique, n'ayons pas peur des mots. Une enquête, exact. Mais on est très quand même dans la tête aussi du personnage. Et quelle tête! Et quelle tête, hein? C'est ça. Et c'est, et là j'ai vraiment un blanc et j'en suis confuse, Dominique Chartier, qui apprend que dans le village de son enfance, il y a une fille qui a disparu. Ça lui rappelle le jour de la mort de sa mère où il y a deux jeunes filles qui ont disparu. Et il va utiliser son congé, lui-même est policier, pour monter à ce village-là et aider dans les battues. Oui, évidemment, parce que, bon, lieutenant Dominique Chartier, qui travaille au SPVM à Montréal, quand il apprend qu'une fillette a disparu dans le village de son enfance, dans des circonstances identiques à une double disparition qui est survenue 30 ans auparavant quand il était jeune, ben forcément, il veut aller voir parce que la première affaire d'il y a 30 ans avait... Paraît-il, était résolu. Oui. Mais là, bon, tout à coup... Et si le mauvais coupable se trouvait en prison? Et comme la personne qui a enlevé les fillettes à l'époque est soupçonnée d'avoir également mis le feu à la maison où il demeurait, incendie qui a emporté sa mère, exact. Il y a toutes les raisons d'aller voir de quoi il retourne. Exactement. Et là, on rentre toujours dans un univers d'enfance et très onérique. On choisit pas ses bébites, comme je t'ai dit hier. J'ai souvent, ce sont des thèmes récurrents dans mon œuvre. Une espèce de retour au bercail dans des circonstances troubles. Un personnage avec une enfance trouble. Un personnage avec des problèmes liés à la mémoire. Oui, parce que Dominique a des gros, gros trous de mémoire et il n'est pas conscient. Il souffre d'amnésie partielle depuis l'amnésie, c'est-à-dire depuis l'incendie 30 ans auparavant. Il a été dans le coma pendant deux jours et à son réveil, il se souvenait pas du drame. Et à toute fin pratique, ces souvenirs-là, cette mémoire-là ne lui est jamais revenue. Et c'est aussi pour retrouver cette mémoire-là qu'il retourne enquêter, en fait. Et là, il va rencontrer un collègue, Vincent, qui est vraiment un très beau personnage. On va-tu faire une série? Je pense que j'aurais pas le choix parce que... Parce que tout le monde, on te le dit, hein? Ben, puis c'est surtout que, égoïstement, là, à ma grande surprise, j'ai eu tellement de plaisir avec ces deux personnages-là. Ah, ouais? Je soupçonnais pas le fun que j'aurais. Mais comme lecteur, on a du fun. Écrire leur relation, la voir se développer, leurs échanges qui sont très... à la fois très comique, très, très viril, très baveux. Ouais. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir parce qu'il faut savoir en même temps que Vincent Parent, lui, travaille pour la Sûreté du Québec. Ouais. Il mène l'enquête. Il n'est absolument pas ravi de voir un type du SPVM débarquer sur son territoire. Mais bon, les circonstances étant ce qu'elles sont, il se dit qu'il y a peut-être tout intérêt à le garder dans son giron pour en apprendre davantage. Et j'aimerais qu'on parle un peu de tes dialogues. Ils sont très travaillés. Tu es aussi critique cinéma au devoir. Fait que, bon, au cinéma, les dialogues, c'est important. Je pense que ça vient un peu de là. Comment tu les travailles? Est-ce que tu lis à voix haute ce que tu écris? De temps en temps, mais oui, c'est vrai que je les soigne beaucoup. Bon, la narration elle-même est dans une langue... Français international. Français international, voire soutenu par moment. Les dialogues sont, eux, c'est la parlure québécoise. Différents niveaux de joie selon le personnage. Oui. Ils n'ont pas tous la même façon de s'exprimer. J'essaie que ce soit le plus authentique possible. Mm-hmm. Par exemple, la vieille maîtresse d'école qui a fait le cours classique. Berthe, elle est chouette. Berthe, on l'imagine volontiers rouler CR. Oui, là, juste le nom déjà, Berthe. Diction impeccable. La voix. Par opposition à, Vincent qui demeure là, qui a un parler très, très, très, très joie. Influencé par la télé aussi. Oui, oui. Ce sont les voix, comment dire, la parlure. C'est la parlure abitibienne d'où je viens. C'est beaucoup ça que je recrée. Et le personnage de Dominique qui s'exprime d'une certaine manière et qui, graduellement, plus il baigne à Malacourt, le petit village de son enfance, plus il retrouve cette façon de s'exprimer. Là aussi, je travaille ça, les élisions de certaines voyelles, tout ça. De temps en temps, je lis pour avoir la bonne musique. Ouais. Et je me dis, tout ça, c'est en fait pour que le lecteur puisse entendre les personnages. Si le lecteur entend le personnage, il les voit et ils sont d'autant plus crédibles pour lui. Si le lecteur croit au personnage, il va croire à ce qui leur arrive, selon moi. Oui, je pense que c'est... Oui, ça, là, je peux te confirmer que c'est vraiment ça, parce que moi, je le voyais. Toi, on l'a dit tantôt, tout prend racine dans l'enfance. Est-ce que le mal prend racine dans l'enfance? Souvent, malheureusement, oui. Par ailleurs, c'est pas systématique, mais l'enfance a ceci d'intéressant pour... un créateur, notamment en littérature, quand on construit une intrigue. L'enfance est une période particulière où, notamment, la vision du monde est teintée de certaines croyances, teintée de merveilleux, où on dispose pas de toutes les connaissances, de toute l'information, et on se crée une logique enfantine qui fonctionne en elle-même et qui... je trouve, qui est fascinante à explorer. C'est pour ça qu'Un automne écarlate, mon premier roman, était raconté du point de vue d'un enfant de 8 ans, parce que je trouvais ça intéressant de présenter une vision du monde, une histoire sordide par le regard d'un enfant. C'est une perception tout autre que celle d'un adulte. C'est pour ça que l'histoire de Francis, elle glace pas les sangs dans ce premier tome-là, parce qu'on est, lui, dans son monde qui fonctionne et où il se crée... des espaces où il peut se reposer. Et c'est ça ce que Dominique Chartier fait aussi. Il s'est créé le peu de mémoire qu'il a. Il sait qu'il y a eu un drame dans sa vie, ça, il ne peut pas échapper à ça, mais il s'est créé quand même un monde réconfortant. Il a comblé les trous, disons, avec certains faux souvenirs qui rendent son passé... plus supportable. Exactement. Mais il y a des flashs. Ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. D'ailleurs, dans cette enquête-là, tu sais, on dit que... Tu sais, je viens de te dire c'est un vrai policier. En même temps, c'est un faux policier parce que on s'intéresse beaucoup plus à l'enquête sur l'enfance de Dominique que de retrouver la pauvre petite fille. C'est au point que je ne me rappelle même pas ce qui lui est arrivé. Sais-tu, j'y ai repensé hier soir et j'étais là, pauvre petite, je l'ai complètement oublié. Ouais. C'est ce que Hitchcock appelait le whodunit. Le MacGuffin. Ouais, oui, le MacGuffin, c'est oui, ça. On pense que le roman est à propos de ceci alors qu'il est à propos de cela. Cela. Exactement, ouais. Parce que ouais. Cette fille-là, à la rigueur... On sait ce qui lui arrive, oui, mais, oui, c'est, oui. Mais c'était pas ça le but de l'histoire. Exact. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment Dominique Chartier. Et, son histoire, elle lui est complétée à la fin. Oui, et elle est... Il n'y a plus de questions sur ce pas. Non, il n'y a plus de questions, mais... À quel prix? À quel prix, exactement. Écoute, est-ce que le prochain est déjà en train de s'écrire ou se non, penser, je, se rêver? Non, j'envisage différents scénarios. Je ne veux pas me presser pour ramener Vincent et Dominique. Ils vont revenir, c'est certain, ouais. Mais pas à n'importe quel prix. Je veux une histoire qui soit digne de leur première aventure. C'est bien ça. Ça, on aime ça. Tu signes encore aujourd'hui? Oui, je serai au kiosque d'Alire, kiosque 74, de 14h à 15h30. Je te souhaite un bon fin de salon et on va se retrouver au prochain. Merci. Merci. Retour à l'émission Les bouquins d'abord. Guten Tag, Greif. Très contente de vous recevoir. D'abord, félicitations pour enfin le prix. Comment il s'appelle exactement? Le prix de création littéraire des bibliothèques de Québec. Ça fait 5 ans, 6 ans que vous êtes nominé à chaque année. Vous le gagnez à jamais. Et là, enfin, vous l'avez eu pour le très beau La colère du faucon. Un livre qui m'a jeté à terre. Pour l'Allemagne que vous racontez là-dedans, c'est une Allemagne que j'ai connue, même si on a une bonne différence d'âge. C'est l'Allemagne de mes parents. Oui. Et elle a des relents sur ma génération, vous vous en doutez. C'est ça. Hein? Et aussi c'est... sur la mienne, oui. Oui. C'est-à-dire, oui. Nous ne sommes pas terriblement loin dans non, l'âge. Non, bien, c'est ça, l'après-guerre. C'est-à-dire, nous avons connu ça, oui. Oui, oui. Nous avons connu ça. Oui. Et d'où... Le besoin de raconter en français cette histoire allemande, vous n'auriez pas eu le goût de l'écrire en allemand? C'est un livre auquel j'ai pensé depuis assez longtemps, mais j'ai toujours reculé parce que c'est extrêmement lourd aussi. Oui. Hein? Oui. Je ne voulais pas écrire un livre autobiographique. Mais ça ne l'est pas, non? Non, justement. J'ai, pour ainsi dire, raté le bateau parce que la vague de savoir, de poser des questions aux pères, ceux qui sont revenus de la guerre, elle est maintenant passée. Parce que ils sont partis. Ces pères-là ont perdu la mémoire ou bien ils sont tout simplement morts. Et c'était quelque chose qui s'est passé en Allemagne il y a à peu près 5 ans. Ça, c'était le sommet de cette période-là, ce qui était absolument... Il y a eu des centaines de livres qui ont été publiés sur qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Et c'était ça ce que je voulais dire, moi aussi. Ben, parce que ces hommes-là sont revenus avec une telle violence et des images tellement violentes dans la tête, et ils ont subi eux-mêmes une éducation violente. Il faut se le dire que l'Allemagne n'était pas tendre avec ses enfants. Un pays n'est jamais tendre avec les soldats qui reviennent vivants et qui sont les perdants. Oui. Alors, il y a eu 2 traumatismes énormes, possiblement 3. Le premier a été de subir la guerre et de voir les horreurs de la guerre. Oui. Et quelle guerre. Je ne vais pas entrer dans des détails ici. Il y a un seul détail que j'ai mentionné qui est vraiment... qui montre cette brutalité qu'il y a chez l'homme. Oui, c'est l'inhumain. Hein? On touche vraiment à l'inhumain. Oui. Et alors, cette génération-là est donc revenue de cette guerre-là, traumatisée, et elle est entrée dans un... elle est revenue dans un pays qui n'existait plus. Ouais. C'était un pays qui était divisé en quatre. Il y avait une partie anglaise, une autre française, une autre américaine et une autre russe. Et alors... avec une séparation, hein, voilà, c'est ça, justement. Et avec la capitale qui n'est plus la capitale. Voilà. Parce alors, qu'il y a tout était, ça, on a perdu la capitale. C'était inexistant. Ouais. C'était inexistant. Et alors là, on, d'abord, il n'y a personne qui s'occupe d'eux en leur demandant est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous faites des cauchemars, etc. Personne. Et les femmes ont pris leur place. C'est ça. Professionnellement, c'est les femmes qui tenaient le pays. Voilà. Et ça, c'est... encore aujourd'hui, en tout cas, c'est un pays que je considère un peu plus macho que d'autres. Ça, c'est un grand traumatisme. Voilà, aussi. Voilà. Ça, c'était, oui. Et d'un seul coup, les femmes leur ont dit non, ça ne se passe plus comme ça. C'est nous qui avons géré le pays pendant votre absence. Uh-huh. C'est effectivement ça. Je ne veux pas élaborer sur ce plan-là parce que ça nous mène sur celui de savoir avec le féminisme qui, dans les années 70, a dit, écoutez, après 1968, ça n'est plus possible. Votre comportement... Ça, c'est compliqué. Ça, c'est parce que c'est un débat vraiment compliqué. Oui, je ne voudrais pas... Non. Et ce n'est pas le sujet du livre, toute manière. S'il y a une mère... féministe avant le temps et assez magnifique qui va sauver Falk, le faucon, il va être sauvé par son grand-père et sa mère. Oui, mais je veux revenir, si vous permettez, sur ce deuxième traumatisme, c'est-à-dire de se retrouver dans un pays complètement dévasté. Ouais. Hambourg a été détruite, par exemple, à 98%. C'est inimaginable. Mmh. Alors, pratiquement, on pourrait dire que si la ville de Québec avait été bombardée, il y aurait peut-être quoi? Une centaine de maisons qui auraient survécu. Ouais. Et alors, de revenir... Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le nazisme vient de crever comme un abcès. Il n'y a plus rien là-dedans. Hitler est mort. Oui. Tous les dirigeants du parti ont pris la peau de l'escampette. Ils sont soit en prison, ils sont morts. Ou bien en Amérique Sud. On va les pendre à Nuremberg. Voilà, c'est-à-dire, l'Allemagne est mise devant des juges. Oui. Et alors, cela veut dire que tout ce en quoi... les hommes avaient cru n'existe plus. Oui. Alors, la pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est le vide intérieur. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut reconstruire un pays. Et c'est la chose la plus importante pour eux, avec le résultat que, avec le plan Marshall, les millions arrivaient, les subventions, et... qu'est-ce qui en est résulte? C'est le miracle économique allemand. Oui. Et alors, c'est l'argent qui remplace les valeurs. Exactement ça. Et alors, c'est encore aujourd'hui le drame de l'Allemagne. Et c'est pour ça que dans les années 70, nous avons eu cette révolte absolument. Brutale aussi de la part d'une certaine jeunesse qui n'acceptait pas cela et c'était ainsi le groupe Baader-Meinhof etc. qui se sont révoltés contre cette

Nous sommes de retour à l'émission Les Bouquins. D'abord, je suis toujours avec Antioch Greif. Il faut quand même qu'on parle de votre nouveau recueil Écharde, si bien nommé. Ce sont des nouvelles, et si mon français était assez bon, j'oserais aller jusqu'à dire que c'est des novelettes. Oui. C'est tout petit, hein? Oui. C'est vraiment des échardes, oui, ces textes-là. Oui, oui. Ce sont 44 petites nouvelles, oui, qui sont tout à fait différentes, qui n'ont rien à voir avec les nouvelles que j'ai faites avant. Comme le chat proverbial, où c'était vraiment des longues nouvelles. C'est-à-dire, autour du chat. Oui. Oui, ce sont des nouvelles dans le genre germanique, mm-hmm, et dans le genre anglophone, oui, c'est-à-dire de, oui, longues nouvelles. Ici, ce sont de petits morceaux, justement, qui nous vont diablement sous la peau. C'est parce que ce sont 44 nouvelles, donc, qui décrivent, parce que ce qui est toujours important pour moi, c'est l'être humain. Oui. Comment l'être humain survit-il dans, oui, le quotidien avec tous ces agacements que nous subissons, mm-hmm, qu'on le veuille ou non. Dans un magasin, on vous traite un peu mal, et alors vous êtes furieux, d'un seul coup vous êtes de mauvaise humeur. Oui. Ben, il neige voilà. 13 avril, on est irrité, oui, oui, hein, quand, oui, même. Voilà. Hein? Et alors, vous êtes en train de manger quelque part, et puis le serveur vous laisse tomber quelque chose. Mm-hmm. Et, bon, vous commencez à l'engueuler, etc. Mm-hmm. Et alors, d'un seul coup, vous demandez, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mm-hmm. Et alors, il y a à la fin de chaque nouvelle, mm-hmm, il y a une petite phrase qui peut vous dire comment éviter, ouais, et comment sortir cette écharde de sous votre, ouais, peau, et, ouais, comment faire pour que cela ne s'infecte pas, parce qu'autrement on va continuer à gratter ça, à vraiment laisser... Oui, non, c'est d'une grande sagesse. Il y a vraiment des très belles choses dans ces échardes-là. Ça sort mardi prochain. Je vous souhaite autant de succès avec les échardes qu'avec toutes les autres Merci livres. Merci beaucoup. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Je vous remercie bien. Merci à vous. Merci, Merci à vous. Merci. Au revoir. Take your time for yourself. Love and life, nothing else. We don't know what we are here for. We just know that in a place like this, we'll find the space and time to let loving exist. Just ease into it. Just ease into it. Just ease into it. Nous sommes de retour à l'émission Les Bouquins d'abord. Dernière entrevue de ce marathon pour moi. Je suis accompagnée d'Alexandre McCabe. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci de m'avoir invité. C'est votre premier livre chez La Reine. Oui, premier roman, première expérience d'écriture. Donc, je vis pour la première fois un salon. L'effervescence. L'effervescence. C'est quelque chose. Le bonheur de rencontrer les gens, de faire partie, mm-hmm, de cette expérience-là. C'est un privilège. C'est un... Comment on dit ça dans un livre quand c'est un road movie? En tout cas, c'est l'histoire d'un jeune qui va perdre son grand-père, qui va aller chez sa tante, chez la reine, mmh, mmh, et qui va partir sur la tombe de Camus. Hein? Il y a tout cela. Et le roman n'est pas long. Hein? Je raconte ça et ça pourrait durer quand même facile 300-400 pages. Et, Oui, vous avez condensé pas mal. Effectivement, il y a un peu d'impatience peut-être. Je pense que j'avais hâte d'en avoir un d'écrit. Mais sinon, moi j'aime le présenter comme un roman, comme une éducation, un roman d'apprentissage d'une certaine façon. Un business roman, oui. Oui, parce que il y a différents tableaux, différentes parties, et puis il y a à chaque fois un thème qui est proposé. Il y a la mort, évidemment, la mort du grand-père. Et qui est très... moi, je dirais que c'est vraiment un sujet fort cette année. Là. J'ai lu beaucoup de livres pour mes entrevues. Oui. Et votre génération enterre les grands-parents, la mienne les parents. Oui. C'est un thème fort dans la littérature québécoise. Je pense que c'est le désir de souvenir. Je pense aussi, parce que vous avez vraiment... C'est le seul dans mes lectures qui a une portée politique. Ah ben en même temps, c'est-à-dire que ce grand-père-là, je crois qu'il c'est un peu un archétype. Oui. C'est un grand-père que beaucoup de gens ont eu. D'ailleurs, moi, quand on me dit ça me plaît beaucoup. Quand on me dit que ce grand-père-là ressemble au grand-père des lecteurs, moi, ça me fait plaisir parce que c'était un peu ça le souhait. Mais à travers son destin, c'est un peu le destin du Québec qui peut être vu, qui peut être perçu, qui peut être compris dans ce passage aussi, dans cette succession de générations. Je pense que là aussi, on peut voir la transformation du Québec, l'évolution du Québec. Mais oui, il y a un désir de se rappeler. Il y a un désir de se rappeler d'où on vient, qui nous a fait. D'où on vient, c'est très fort. Est-ce que vous vivez en région? Maintenant, je suis dans la région de Québec. Je suis à Neuville. OK. Oui, mais ça reste encore un peu à l'extérieur. Mais parce qu'on sent fort la région, comme dans tous les romans et tous les livres de la peuplade, c'est un peu leur mandat. Pensez-vous que ça change notre regard sur le Québec quand on n'est pas dans les grands centres? Et même Québec, pour les Montréalais, on est dans la campagne, mais mettons que... Oui, je pense que oui. Je pense que oui, d'une certaine façon, chez la reine, c'est l'histoire d'un exil aussi. Moi, je viens de ce petit village, Sainte-Béatrix, dans la Naudière. Tous mes repères sont là. Je suis un peu perdu dans les grands centres. À Neuville, ça va. À Neuville, je retrouve un peu de l'esprit. La structure. Oui, puis de l'esprit, de l'atmosphère qu'on retrouvait à Sainte-Béatrix. Oui, c'est vrai que dans les grands centres, moi, je suis un peu perdu parce qu'il faut que je retrouve des nouveaux repères. C'est vrai, oui. Oui, assurément, parce que c'est pas le même rythme. C'est pas les mêmes mentalités non plus. Puis on le sent ça aussi, je pense. C'est une question, c'est une problématique importante au Québec, le rapport entre les grands centres et les régions. Je pense que il y a beaucoup à réfléchir là-dessus. Oui. Moi, c'est ma modeste contribution à cette réflexion-là. Est-ce que les régions... avez-vous l'impression que les régions sont justement représentées? Dans la littérature? Dans la littérature, mais aussi dans notre vie culturelle, médiatique. Je pense qu'il y a du travail à faire. Oui. Moi, c'était un peu l'objectif aussi en écrivant chez la reine. C'est-à-dire que moi, je voulais raconter des gens que j'ai côtoyés, que je vois pas dans la littérature. Pourtant, c'est des personnages d'une grandeur inouïe. Et des gens qui ont une histoire absolument intéressante et qui méritent d'être racontée. Oui. Alors, moi, ça a été mon objectif. Ça a été de raconter ces gens qui habitent dans nos campagnes, dans les régions du Québec, qui ont une histoire à nous raconter et qui portent aussi, comment je dirais, un peu une certaine idée du Québec. Oui, parce que le risque du folklorique est quand même là. Parce que les Montréalais nous aiment là, pour le côté cabane à sucre et le bois, poêle à bois. Mais moi, je le vois pas, je le sens pas, ce folklore-là. Votre livre, il n'est pas du tout là. C'était le souhait, en fait, parce que quand mon grand-père me racontait ses histoires de chantier, pour moi, c'était pas du folklore. Le folklore implique que ce soit presque extérieur à nous, que ce soit aussi que ça appartienne au passé. Pour moi, c'était tout à fait réel. Ce que mon grand-père m'expliquait, c'est en fait ce qu'il était, Donc, quand il me racontait les histoires de chantier, je voyais à quel point cette vie-là avait modelé ses réflexions, avait modelé sa manière de voir, de percevoir les autres. Quand il me racontait ça, moi, il n'y avait aucun folklore. Sa vie. Et puis, je reconnaissais un peu de la mienne à travers la sienne, parce qu'il y a des réflexes que j'ai. J'ai des réflexes de mon grand-père. Sûrement. Puis là, je ramène ça à ma vie. Évidemment, chez La Reine, j'essaie d'en faire un roman. J'essaie d'avoir une certaine distance. Il y a une bonne part de fiction aussi. Oui, oui. Non, je vous rassure. J'aurais même pas cru que c'est vraiment autobiographique. Ça aurait pu être fiction mur à mur. J'étais avec vous. Mais une autre petite question. La portée politique, est-ce que c'est venu toute seule ou ça s'est dégagé en écrivant? Non, c'est quelque chose qui m'habite depuis un certain temps. En fait, j'ai hésité à l'université, j'hésite depuis longtemps entre la littérature et la politique. La politique m'a toujours fasciné. Et puis les écrivains qui m'intéressent, qui me fascinent, que j'admire, sont des écrivains qui se sont préoccupés de politique. Qui sont compromises un petit peu. Avez-vous déjà un prochain projet? Assurément. Ouais. Mais en même temps, bon, je vais une étape à la fois. Je veux que, quand on écrit, il faut que ça vaille la peine. Mm-hmm. Mais oui, j'ai un prochain projet qui parlerait de notre génération, mm-hmm. qui serait, je pense, un sujet d'actualité. J'ai déjà le titre même. Ça s'appellerait Une vie neuve. Ce serait un peu la suite de Chez la Reine. Ben, ça expliquerait ma vie de maintenant que je suis sorti du royaume. Ouais. Bon, il y a d'autres thèmes que je pourrais aborder, mais j'aimerais faire encore une fois des portraits de gens de ma génération. Mm-hmm. Puis de montrer aussi les divergences qu'on a, les conflits qu'on peut avoir, nos beautés, nos vices, nos travers. Oui. On a bien hâte de les lire. Est-ce que vous allez signer aujourd'hui encore? Oui. De quelle heure à quelle heure? De 2 heures à 4 heures. Ça fait qu'on vous trouve chez La Peuplade, c'est chez Dimédia. Je vous remercie, Alexandre McCabe, chez La Reine, à La Peuplade, et on a hâte au prochain. Merci. Ben merci de m'avoir reçu. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord. Je suis accompagnée d'une de mes fidèles collaboratrices, Sandra Lalancette. Depuis quelques années, d'ailleurs. Ah, ça fait une couple d'années qu'on a du fun ensemble. Je te suis. Bon, toi, tu es une grande, grande fan d'Alexandre Jardin qu'on n'a pas pu recevoir à l'émission. Fait qu'on s'est dit, bon, même si on est en direct, on fait une critique. Tu l'as rencontré, Alexandre? Je l'ai rencontré dans le cadre de mon travail. Il était là à Québec mercredi et jeudi pour le Salon du Livre. Moi, je pensais qu'il n'était jamais venu à Québec au Salon du Livre. On m'a dit qu'il était déjà venu il y a une dizaine d'années environ. Oui. Il vient surtout, il passe tous ses étés d'ailleurs au Québec. Dans les Laurentides. On aime ça, quand il nous aime. Oui, il nous adore. Lui, dans le fond, il veut venir vivre au Québec, carrément. Ça, je le savais, je l'avais déjà lu dans un de ses essais, parce que la France lui pèse. Oui, la France lui pèse beaucoup, mais il ne veut pas avoir l'impression de fuir la France. Donc, il attend que ça ça aille mieux en France, entre guillemets. Ouais, et, ça peut être long, hein? C'est ça. Et quand ça va être fait, il va venir vivre au Québec. Peut-être qu'il ne viendra jamais. Il y a un de ses fils qui étudie au Québec et il aimerait ça que tous ses enfants viennent étudier au Québec. Son livre qu'il vient de finir à Québec cette semaine, il a mis la touche finale, se passe au Québec. Les dialogues sont écrits en québécois. D'ailleurs, semble-t-il qu'il y a eu un petit peu de difficulté à faire passer ça chez Grasset parce que les gens voulaient réviser le livre et changer les scénarios pour que ce soit plus écrit en québécois. C'est ça, on comprend pas. C'est quoi ça? Il nous disait, entre autres, qu'une des expressions qu'il aime beaucoup au Québec, qui n'est pas utilisée en France, c'est « j'ai le goût de ». Au lieu de dire « j'aimerais faire quelque chose », nous, on a le goût de faire quelque chose. Il aime beaucoup les mots, Alexandre Jardin, donc ça le fascine beaucoup. Et là, il était ici, entre autres, à Québec pour présenter deux choses. Le programme Lire et faire lire. Il y a un kiosque, d'ailleurs, en ce moment, au Salon du livre, qui est un programme qui, lui, il a créé en France pour inciter les personnes âgées à faire la lecture aux jeunes, donc transmettre la passion de la lecture. Et il était là aussi pour son essai « Mes trois zèbres ». Parce que Alexandre Jardin... Moi, je l'ai connu avec ses romans. Il a commencé avec des romans, mais maintenant, ces temps-ci, il fait... Il y a une famille, il y a un passé qui est très lié à la France. Oui. Et je trouve qu'il fait un travail qui est courageux, parce que détruire l'image de son père et de son grand-père, qui a été comme un peu lissé, surtout le grand-père qui était collaborateur du système nazi, je trouve ça extrêmement courageux. Il veut se libérer de cette honte-là. On le sait que ça l'a mis en brouille avec une partie de sa famille. Donc, c'est ça, tu disais, je suis une grande fan d'Alexandre Jardin. J'ai fait la gaffe, je dirais, comme beaucoup de filles de mon âge, de la trentaine maintenant, de connaître Alexandre Jardin à l'adolescence. Moi, quand Le Zèbre est sorti, j'étais à peu près en secondaire 1, secondaire 2, et Le Zubial, secondaire 5. Donc, tout ce cycle-là de livres d'Alexandre Jardin, avant qu'il se mette à trop en dévoiler sur sa famille, en tout cas, c'est relatif, mais je veux dire, avant qu'il se mette à en dire sur sa famille, point. Alors, ce cycle de livres-là, moi, je l'ai lu à une période où on est tellement sensible au romantisme. Alors, quand je l'ai rencontré, je lui ai carrément dit qu'il avait gâché mon adolescence parce que moi, je cherchais quelqu'un. T'avais des attentes élevées. Je cherchais Alexandre dans Fanfan, mais lui, il m'a dit que c'était le contraire en France, que les filles se plaignaient à lui que les gars essayaient trop de faire comme Alexandre dans Fanfan et que c'était de la torture. Ah, parce qu'en France, il doit y avoir des gars qui lisent aussi du Alexandre Jardin. C'est moins le cas ici. Les hommes... On n'avait pas ce problème-là ici, que les gens étaient trop... Les jeunes hommes trop romantiques comme Alexandre Jardin. Loin de là. Non, du tout. Mes trois zèbres, c'est un autre essai. Et là, c'est qui, les trois zèbres? Alors, ces trois zèbres, Sacha Guitry, Charles de Gaulle et Casanova. Donc, beau mélange. Beau mélange. Alors, Alexandre Jardin nous parle... C'est divisé en trois sections. Jouer, Sacha Guitry. Défier Charles de Gaulle, jouir Casanova. On parle beaucoup du fait qu'Alexandre Jardin a perdu son père très jeune et qu'il avait, il a eu besoin de figures paternelles. Alors, c'est comme si, il est considéré comme ses pères substituts. Ouais. C'est pas des personnes qu'il a connues, là. Dans le temps, c'est impossible. Mais il a beaucoup lu de leurs œuvres et s'est beaucoup inspiré d'eux. Et c'est vraiment des personnes qu'il aime à un point assez élevé, là. C'est pas de la petite admiration, c'est de la grande admiration. On est dans l'hommage, là-dedans, carrément. Ces trois personnes-là ont en commun, c'est des personnes assez différentes, mais ont en commun d'être, il le dit lui-même, d'avoir une attitude hautement française et d'être anticonformiste. Alors, c'est vraiment ce qui les relie. Ce livre-là, c'est un mélange d'essais, de biographies, d'anecdotes, de comment lui les a connus. Donc, on a des bouts de la vie d'Alexandre Jardin à travers tout ça, des bouts de la vie de ces personnes-là. Ouais. Mais c'est beaucoup comment ces gens-là ont influencé son œuvre. OK. Alors, exemple, dans le... Ça fait que c'est une... Il est rendu à la réflexion sur sa propre écriture. C'est ça. J'ai l'impression qu'on est rendu là dans sa psychothérapie. Oui. Je sais pas trop comment le dire. Oui. Donc, c'est vraiment comment ces trois personnes-là ont influencé son œuvre. Moi, je pense que j'ai abordé ce livre-là de la mauvaise façon, parce que je m'attendais à plus en apprendre sur Sacha Guitry, sur Charles de Gaulle, sur Casanova. Et finalement, tu apprends plus sur Alexandre Jardin. Il faut le prendre plus de cet angle-là, je crois. Ouais. On est moins déçus que, quand on le prend comme ça. Entre autres, sur Charles de Gaulle, c'est vu avec un biais incroyable. Là. Quand tu vis ça, Charles de Gaulle... Mais t'as vu la capsule à la Fabrique culturelle? Je ne l'ai pas écouté. Parce qu'il parle comment il découvre De Gaulle. Ah oui, mais il est en passion. Il est, c'est ça, il raconte l'histoire. Je t'invite à aller voir ça. Vraiment, il raconte 16 ans, il va voir une pute. Et, oui, c'est exactement. Elle lui sort ce livre-là. Il raconte cette anecdote-là. Et mais on dirait cette ouverture aussi de le prendre comme ça, moi j'ai trouvé ça quand même bien parce que, mettons, de son éducation, il est très loin de la France gaulliste. Oui, oui, oui. Mais à l'opposé. Il dit d'ailleurs que Charles de Gaulle l'a déséduqué. C'est bien. De l'éducation qu'il a reçue. Oui, oui. Donc, c'est ça, on en apprend beaucoup sur Alexandre Jardin, mais ça m'a donné le goût, moi, d'en apprendre plus sur ces personnages-là qu'on ne connaît pas tant que ça. Non. Dans le fond, Sacha Guitry. Non, ici, non. On ne connaît pas vraiment. C'est ça, c'est très français aussi livre. Oui. Parce qu'on ne nous présente pas Charles de Gaulle, par exemple, si on ne le connaît pas beaucoup, on va connaître uniquement ce qu'il veut bien nous en laisser paraître. Oui, exactement. Et ça m'a surtout donné le goût de découvrir Casanova. Ah! Oui, c'est vraiment. Moi, je l'ai lu. J'ai lu du Casanova, mais. Je te dirais que j'ai trouvé ça... par bout, c'est un peu lourd. Hein? Et c'est pas un livre que tu laisses traîner une fois que tes enfants savent lire. D'ailleurs, il raconte que son éditeur a l'habitude de, quand il lit un livre, il arrache toutes les pages qui sont inutiles selon lui. Alors, il dit, moi, dans mes livres, même ce que je considère comme les meilleurs, il reste 5 pages à peu près, tu sais, même Marcel Proust y passe, tout le monde y passe, sauf la biographie de Casanova, qui est la seule... Intouchée, toutes les pages sont là. Donc, tu te dis, bon Dieu, ça doit valoir la peine de lire. C'est quelque chose. Donc, la fin du livre dans lequel il donne les livres qu'on devrait lire pour en connaître plus sur ce personnage-là, là, je me suis dit, ah, ça m'intéresse d'aller en découvrir. De faire cette lecture-là. Ouais, de faire cette lecture-là. On en parlera pour l'émission Les bouquins d'abord. On pourrait peut-être croiser là quelque chose. Il me semble que c'est intéressant. Les Zèbres d'Alexandre Jardin. Donc, Mes trois zèbres, c'est publié chez Grasset. Merci. Et il n'est pas au salon aujourd'hui, ne le cherchez pas. Non, il n'est pas là. Merci, Sandra Lalancet. Ça fait plaisir. Retour à l'émission Les bouquins d'abord avec Barbe Reink, un peu fatiguée. On est vraiment à la fin de ce marathon d'entrevues. C'est la 5e journée que je suis avec vous, que je rencontre des auteurs. Je suis extrêmement privilégiée d'avoir pu rencontrer autant de monde et je m'en voudrais de ne pas tous les remercier. J'ai rencontré et j'ai parlé avec chacun un bon moment. Marie Laberge, Alain Beaulieu, Suzanne Leclerc de Nuit Blanche, Yves Beauregard de la revue Capot Diamant, Josiane Ouellette de la revue Continuité, Pascal Roux de les revues Alibi et Solaris, Pierre Gagnon, Gilles Lévesque, Laurent Cantric, Milena Babin, Bach, Sylvie Nicolas, Jean-Jacques Pelletier, Sarah Lazzaroni, Maud Poisson, Annie Cloutier, Maud Veilleux, Benoît Boutillette, Jacques Côté, Richard Sainte-Marie, Geneviève Peterson, Hélène Dorion, Pierre Breton, Louise Dupré, Lionel Noël, Samuel Archibald, Elisabeth Van Arbour, Olga Duhamel-Noyer, Geneviève Janel, Catherine Lepage, François Lévesque, Hans-Jürgen Greif, Alexandre McCabe, c'est fou, hein? Et il y a eu deux personnes qui sont désistées. Faut le dire, juste deux. Merci, Sandra. Rapport, mais gros, grand merci aussi aux collaborateurs de l'émission, René Bolduc, Jacques Vaillancourt, Gilles Chaumel, Denis Lelièvre, Sandra Lalancette, qui sont venus nous parler, Yves Rousseau, que j'oublie, qui sont venus me parler de leur découverte, de leur salon, et un très, très, très grand merci à Frédéric Rondeau, Thibault Pfeiffer, à la technique, Joël Keglar, qui était une régisseuse extra, et Tania Beaumont, qui a rendu tout ça possible, et évidemment, à CKRL, c'est la radio qui donne la plus grande liberté pour parler de culture dans la ville de Québec, vraiment. Merci, c'était un très beau salon pour moi, grâce à vous. Merci. Moi, je tiens à rajouter qu'on remercie l'animatrice Babel Renke d'avoir tenu le fort pendant tout ce Salon du livre. Un véritable marathon. Je pense qu'au nom de CKRL, on va s'excuser auprès de tes enfants qui ont été abandonnés oui, dans les derniers jours. Un petit peu. Et auprès de ton chum, parce que je pense que tu as eu le sommeil agité, parce que tous tes rêves étaient mélangés par tous les livres oui, que tu lisais. Oui, tout ça dans mon monde, c'était tout allait ensemble. Et tous les matins, j'ai démêlé ça. Et je pense que j'ai pas trop fait de gaffes, mais les gaffes m'appartiennent, tout le mérite. Ça faut dire que tu lis les livres. Oui. Parce qu'il y en a des gens qui interviewent des auteurs qui ne lisent pas les livres, et toi, tu lis les livres. Mais les auteurs nous aiment au bouquin d'abord parce qu'on lit leurs livres. C'est notre marque de commerce et on y tient. Alors, merci beaucoup pour ton animation. Merci. L'émission Les bouquins d'abord vous est présentée en direct du Centre des congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Les bouquins d'abord vous a été présentés en direct du Centre des congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Le Radioton de CKRL fut une réussite grâce à votre générosité et à la collaboration de nos partenaires majeurs suivants. La Barberie, la Boîte à pain Café Napoli, le Bal du Lézard, ainsi que l'Hôtel Château Laurier. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL.